vais pas représenter, c'est pareil partout. La merde, les quartiers, j'ai pris une note. Moi, c'est tout, préféré rapper dans ma chambre au lieu de rester dehors à traîner, à trouver des mauvaises fréquentations. Le quotidien de cette vie, trop pour les bastons. Les flics qui t'arrêtent te questionnent. Pour une barrette, oubliée dans ton blouson. Défoncé au cacheton. Cet état qu'on ne prétend pas attention, c'est faux jeton. Ce gouvernement, pour qui on a tant d'acharnement. Manif et meute, présente bien souvent. Mais c'est pas pour autant que ça changera l'avenir de nos enfants. Pour eux, la vie, c'est beau, c'est travail et dur. Mais c'est pas comme ça que ça marche chez eux, c'est sûr. Payer des impôts pour remplir leur fond de la sueur de nos fronts. Les taxes augmentent comme tous demandent. De belles promesses, de beaux discours. Pour qu'on vote sans cesse, autant de naïveté nous jouera les tours. Ils passent de l'argumentation à la manipulation. Alors je balance de la prévention, te dire de faire attention, ne pas voter pour ces gros cons. Ils sont tous pareils, comme l'abeille te pique, que ils te niquent. Blédé de magouille et de trafic, changeront pas leur politique. Français comme étrangers, on est tous partis pour un avenir critique. Ouais, on est tous partis pour un avenir critique. Qu'on soit français ou bien étranger, on est tous partis pour un avenir critique. Cet état qui sait faire que renier, on est tous partis pour un avenir critique. Ce président qui pense qu'à la monnaie, on est tous partis pour un avenir critique. Et ces flics qui foutent rien de la journée, on est tous partis pour un avenir critique. Mais ça y est, j'ai soufflé mes 18 bougies, reçu ma carte électorale et c'est maintenant qu'on agit. Il faut pas faire de chichi, voter pour celui ou ceux qui un jour changeront nos vies, les lois de ce pays et cette politique aussi. Mais dès comme ça y'en a plus ou reste dans l'ombre caché. C'est pour finir comme Coluche qui voudrait bien se présenter. Ceux qui se mettront sur leur chemin, qui présenteront une menace, se feront un jour tuer. Ça passe pour un accident ou un problème technique. Ils trouvent toujours un moyen, comme qui s'y frotte, s'y pique. Beaucoup de drames restent suspects, mais on fait style de rien derrière nos écrans. Tout en sachant que le gouvernement tue impunément. C'est tuerie et c'est guerre de quartier. On est tous partis pour un avenir critique. CDC toujours bien maquillé. On est tous partis pour un avenir critique. Cette justice très mal équilibrée. On est tous partis pour un avenir critique. Et ces crimes dont l'enquête est bâclée. On est tous partis pour un avenir critique. Rien n'a changé après tant d'années. Ce qu'il faut c'est condamner tous ces comptes ratés. Et qu'est-ce qu'on dirait s'ils continuaient? Faut pas se laisser baiser. La liberté d'expression ils nous l'ont pas donné. Fini de verbaliser, ce qu'il faut c'est réprimander. Faire comprendre aux enfoirés que ce monde n'est pas prêt de changer. Si on les laisse gouverner, qu'alors seule priorité est de ramasser le plus d'argent. Alors que dehors c'est inquiétant. À chaque coin de rue des fusillades, le chant des balles qui sifflent. Des armes à feu entre les mains des enfants. Donc comme prochain prétendant d'être un jour président. Cherche pas le pourquoi du comment, il faut que ça change maintenant. Soit français ou bien étranger, on est tous partis pour un avenir critique. Cet état qui sait faire que renier, on est tous partis pour un avenir critique. Ce président qui pense qu'à la monnaie, on est tous partis pour un avenir critique. Et ces flics qui foutent rien de la journée, on est tous partis pour un avenir critique. Ces tueries et ces guerres de quartier, on est tous partis pour un avenir critique. CDC toujours bien maquillé, on est tous partis pour un avenir critique. Cette justice très mal équilibrée, on est tous partis pour un avenir critique. Et ces crimes dont l'enquête est bâclée, on est tous partis pour un avenir critique.